Bonsoir, vous écoutez Hétéroland, une émission féministe qui explore les normes en matière de genre, de sexualité et de relations, en attendant de les désinguer pour de bon. C'est sur le 89.5 de Radio Dio, et c'est tous les quatrièmes dimanches du mois, à partir de 19h. Aujourd'hui, le sexe, le genre, la nature, épisode 2, déboire scientifique. Hétéroland. C'est bien, mais c'est peut-être un peu trop... C'est un gentil garçon. Il croit bien faire. Les hommes sont bêtes. Nous devons aller chercher le sperme. C'est quand même pas sorcier, c'est mon clitoris, pas le sphinx. C'est le moment de libérer la chatte. Mais il lui faut affronter l'aide d'une réalité. Marié, famille, enfant, caravane... À la mer. Aujourd'hui, je vais commencer par vous raconter un petit truc de ma vie de meuf trop sympa. Alors voilà, le week-end dernier, je suis allée à une soirée pleine de monde. À un moment où je regardais les gens en fumant une clope, il y a un type qui va me parler. Et comme je suis plutôt polie, je lui ai répondu. On discute. Il dit des trucs un petit peu drôles. Et puis, il dit des trucs politiques avec lesquels je suis pas tellement d'accord. Et surtout, il ponctue avec beaucoup de « Ah, mais moi, j'adore discuter avec des personnes avec qui je suis pas d'accord. Ah, sinon, franchement, c'est ennuyeux. » Et aussi, j'aime beaucoup écouter des opinions différentes. J'écoute souvent des gens qui pensent pas comme moi. Et bon, du coup, tout naturellement, je commence à parler. Et puis là, il me coupe, mais genre, 5 fois. Genre, je peux pas en placer une. Alors, je lui fais remarquer. Et il me dit « Ah ouais, pardon, vas-y, je t'écoute. » Je recommence à parler pour expliquer un truc en réaction à ce qu'il venait de dire. Et il tient moins de 8 secondes avant de me couper à nouveau en me disant que j'ai un discours formaté, blablabla, enfin plein de merde en fait. Bon, du coup, je lui ai dit qu'il me fatiguait et puis je suis partie au son de ses chouineries de « Ouin, mais je suis gentille !» Et c'est un événement on ne peut plus habituel, dans une soirée on ne peut plus habituel. Et là où je veux en venir, c'est que bon, je me suis demandé pourquoi je fais de la radio. Et je crois que c'est entre autres, parce que ça me permet un truc vraiment très agréable. Je peux dire ce que j'ai à dire, sans qu'on me coupe la parole. C'est quoi le bon sens de problème avec vous, toutes les bons dieux de bonnes femmes? Mais qu'est-ce qu'il faut pour vous satisfaire? Pourquoi vous me torturez comme ça? Donc, dans la dernière émission, on avait fait un tour un petit peu général du rapport entre le genre, le sexe, la nature. On avait parlé de la loi sur la bioéthique qui a été votée récemment. Et on avait vu entre autres que l'idée de nature, elle véhiculait quelque chose de l'ordre de la pureté, de l'authenticité. On avait vu que cette idée, appliquée dans une société très stricte quant aux normes de genre, elle servait à la fois d'explication, mais aussi de justification à la binarité de genre. Et que bon, la nature, elle a bon dos quand il s'agit de justifier une hiérarchie entre les êtres, et qu'en fait, ces justifications, elles passent dans le filtre de la société concernée. Et on a accès qu'aux interprétations qui sont créées par notre propre culture. On va écouter, pour resituer, un extrait d'une interview de la chercheuse en anthropologie, Priscille Touraille. S'il s'agissait de tout autre caractère morphologique sur les questions de couleur de peau, etc., on sait très bien que ça évolue vite, etc., on n'a pas de problème avec ça, alors que pour les questions de caractère différencié selon le sexe, on a beaucoup plus de mal parce qu'on veut que ça soit fixé d'une certaine manière. Si on n'a plus cette différence physique, morphologique, comment on justifie qu'on différencie les individus selon leur sexe? Donc le genre, c'est ça, c'est rendre visible le sexe au premier coup d'œil. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la biologie, sur l'anatomie, sur les aspects biologiques en fait de la différence sexuelle et surtout sur la biologie en tant que science, comment elle est formatée par l'époque et la société dans laquelle elle est étudiée. Donc on va continuer d'explorer l'impact des normes sociales sur ce qu'on estime être naturel, mais en passant par d'autres chemins. Alors, on va passer en revue, d'abord, quelques idées à propos de la biologie et des sciences en général, et la façon dont elles traitent la différence sexuelle. On va regarder un petit peu du côté des biais qui sont présents dans les sciences dites dures et dans la biologie. Déjà, il y a un premier biais, c'est qu'on accorde des valeurs différentes aux différentes sciences. Donc, il y a une forte dévalorisation des sciences sociales pour expliquer et justifier des trucs. On leur accorde beaucoup moins de crédit. Et on valorise au contraire les sciences dites dures, dont fait partie la biologie, l'anatomie, tout ça, parce qu'elles seraient neutres et que leurs données seraient incontestables. Donc, l'impact du social sur la recherche est bien souvent minimisé. Ensuite, on sait que la biologie, elle a une histoire et que le contexte dans lequel elle est étudiée peut compter. Et ça, c'est un autre des biais de présupposer de sa neutralité. On va prendre l'exemple de l'organe qui est le clitoris. Donc, il a été découvert en 1500 et des brouettes. Déjà, à l'époque, c'était reconnu comme le siège du plaisir féminin, tout ça. Mais la première image médicale contemporaine du clitoris, c'est en 1998 par la chercheuse australienne Ellen O'Connell. Et donc, on voit que, selon les époques, le clito, il apparaît et il disparaît des ouvrages médicaux et qu'il y a une corrélation entre ces disparitions et le manque de considération pour le rôle du plaisir féminin dans la reproduction. Donc ça, c'est un exemple de l'importance du contexte pour la biologie, mais parmi beaucoup d'autres exemples. Du coup, la biologie, et plus largement les sciences dites dures, elles dépendent d'un contexte historique. La façon de présenter les différences entre les deux sexes, elle a aussi une histoire, et ça laisse des traces dans les méthodes actuelles. On peut prendre l'exemple des squelettes. Alors, en 1759, Marie-Geneviève Thiroux d'Arconville, alors s'il vous plaît, elle traduit l'ouvrage Osteology, et elle y ajoute des illustrations, dont celle du squelette humain. Mais alors, attention, il y a un squelette d'homme et un squelette de femme, et ils sont censés représenter les squelettes idéaux des deux sexes. Ils sont présentés dans des positions qui sont déjà légèrement différentes. L'homme, il a une attitude un peu plus altière et légèrement dynamique, tandis que le squelette féminin, il est très statique. Donc déjà, première différence qui n'est pas du tout biologique et qui repose sur la présentation. Les différences anatomiques, c'est les mêmes que celles mises en avant à notre époque, sur ces squelettes. Donc la femme, elle est de taille plus petite, mais vraiment nettement. Son bassin paraît plus large, sa boîte crânienne est plus petite. Et ces différences, elles sont présentées, amplifiées, en fait. Et pas qu'un petit peu, parce que les squelettes ont 20 cm de différence de taille, ce qui correspond à pas du tout la réalité. Le crâne de la meuf, il est vraiment beaucoup plus petit, et l'écart, il traduit pas du tout un écart moyen. Et d'ailleurs, l'écart entre individus est plus significatif qu'entre hommes et femmes, à présent, en tout cas. Et pour le bassin, eh ben, il fait en réalité la même taille que celui du squelette du gars. Mais l'effet d'amplification, il est dû à la cage thoracique atrophiée de la meuf, a priori atrophiée par le port d'un corset. Il y a une malformation du crâne, sa petite taille, le port du corset, tout ça, ça suggère que c'était le squelette d'une aristocrate oisive et pas très bien nourrie, en fait. Et c'est ce squelette-là qui est présenté comme le modèle de ce que doit être un squelette féminin, à côté d'un squelette masculin grand et solide. Et bon, ces squelettes, ils ont eu une très grande visibilité auprès des scientifiques de l'époque, et ils représentent pas du tout la norme, mais un idéal. Donc c'est irréaliste, et ça montre aussi l'influence des normes sociales sur le corps et sur ses composantes supposées naturelles. Parce qu'on voit que la cage thoracique, elle est déformée par une coutume humaine complètement artificielle. On fait une démonstration de ce que doit être la différence sexuelle et la complémentarité aussi, c'est-à-dire qu'il y a un contraste entre la robustesse de l'homme et la beauté, enfin, selon les normes, du squelette féminin. Et on cherche à tout prix une marque de la spécificité féminine ou masculine dans toutes les parties, toutes les substances du corps. À présent, on sait qu'il y a très peu de différences entre les squelettes masculins et féminins, et que bien souvent, pour les archéologues, les différences reposent sur des éléments liés aux activités. Par exemple, les attaches des ligaments, qui sont importantes et visibles sur les os, traduisent une forte musculature. Mais si on en conclut souvent que des squelettes qui présentent ces caractéristiques sont masculins, c'est pour des raisons de répartition sexuée des tâches. Et nous pouvons projeter ces trucs-là d'après nos propres normes en la matière. Et du coup, ça peut être un peu casse-gueule. Et bon, la différence de taille du bassin, par exemple, on sait que ça tient pas trop maintenant. C'est beaucoup plus subtil qu'une différence de taille ou de morphotype. Et c'est très rare de déterminer le sexe d'un squelette vraiment grâce à la taille et à la forme du bassin, si celui-ci ne présente pas de traces d'accouchement. Enfin voilà, si tout ça, ça vous intéresse, vous trouverez des articles dessus, notamment ceux de la chercheuse Evelyn Peyre, qui s'est beaucoup intéressée au squelette humain. Ensuite, autre biais, la biologie est sexiste, ok, mais elle est également raciste hein, dans sa façon de pratiquer la recherche. On peut prendre l'exemple de la recherche sur les organes génitaux. La médecine gynécologique a torturé beaucoup d'esclaves et... Par exemple, le docteur Sims, qui est considéré comme le père de la gynécologie contemporaine, de 1845 à 1849, il a expérimenté des opérations de chirurgie gynécologique sur des esclaves, sans anesthésie, parce que les terminaisons nerveuses des personnes noires étaient supposées peu sensibles. Et il y a des a priori là-dessus qui peuvent persister, même de façon contemporaine. Et aujourd'hui, des organes ont été renommés d'après les noms de ces esclaves pour leur rendre hommage. Et donc, on appelle les glandes para-urétrales les glandes d'Anarca, du nom d'une des esclaves. Et les glandes de Bartholin sont appelées les glandes de Lucie et Betsy, pareil, du nom des esclaves sur lesquels les expérimentations ont été menées. Encore un autre biais, la question de la neutralité axiologique. En étudiant la sociologie, on apprend que ce qu'on appelle la neutralité axiologique, qui voudrait dire que la posture de chercheur-chercheuse est neutre et n'existe pas vraiment, notre regard il est orienté par notre position sociale et notre vécu, par les dynamiques de pouvoir et de hiérarchie qu'on subit. Et du coup, dans la biologie, on a deux problèmes. On a une prétention à la neutralité parce qu'il s'agit d'une science dite « dure », alors que les sujets tels que la différence sexuelle, bien sûr que les normes sociales qui entourent les chercheurs-chercheuses ont un impact. Par exemple, les archéologues sont longtemps partis du principe que les squelettes des sépultures de guerriers, c'était des squelettes masculins, et on se rend compte maintenant que c'est vraiment pas toujours le cas, surtout dans certaines régions et chez certains peuples. Et récemment, des chercheuses ont fini par découvrir qu'un des plus grands guerriers vikings, c'était une meuf en fait. Elles ont découvert ça grâce à une analyse ADN. Et donc, il y a eu influence des normes sociales sur les travaux précédents. Ensuite, il y a une très grande majorité des chercheurs qui sont des hommes blancs, cisgenres, plutôt issus de milieux aisés et puis aisés eux-mêmes financièrement. Ils sont peu susceptibles de se rendre compte que leur point de vue n'est pas neutre, parce que leur point de vue, c'est celui qui est adopté généralement par les normes et les institutions. Et la norme, elle est la plupart du temps perçue comme neutre. On peut rajouter que cette population n'est pas ou peu confrontée à des oppressions, et par conséquent, elle est peu encline à les prendre en compte. C'est étrange parce que c'est fréquent de se voir accusé de voir les choses avec un biais quand on voit quelque chose qui va pas dans le sens du fameux sens commun, et quand on a une posture sociale de personne opprimée. Alors que ceux qui vont dans le sens du courant et qui font partie des populations privilégiées, elles ne subissent que rarement des accusations de ne pas être neutres. Donc, pour résumer, on a une différence de valeur attachée aux sciences, le biais de contexte historique, le biais raciste, le biais sexiste, une absence de neutralité due au contexte social et à l'identité des chercheurs et chercheuses. Il y a un autre truc aussi qu'on a vu un peu avec l'exemple des squelettes. Il y a un gros biais de la binarité. Donc, il est censé y avoir que deux sexes biologiques. Ils sont vraiment très très différents. Et dans un bouquin qui s'appelle Les cinq sexes, qui est assez récent, c'est des textes qui datent des années 90, d'une biologiste ou d'une neurobiologiste qui s'appelle Anne Fausto-Sterling, on apprend qu'il y a beaucoup plus de critères que juste le sexe génital et anatomique pour définir un hypothétique sexe biologique. Il y a cinq critères, donc Il y a le sexe hormonal, le sexe gonadique, le sexe chromosomique, le sexe génital, et j'en oublie un, a priori. Voilà. Mais du coup, dans ce bouquin, on voit que la binarité biologique, elle est vraiment pas évidente, que les différences aussi entre les corps féminins et masculins sont vraiment pas si vertigineuses et beaucoup accentuées par leur présentation sociale. Donc cette idée de différenciation d'une part nette et d'autre part très marquée, elle est assez présente dans les sciences, elle fait partie des biais. Et on remarque que il n'y a pas que dans la recherche, mais il y a aussi dans les applications des sciences que ces biais se traduisent. L'extrait qu'on va écouter là, il présente certains des biais propres à l'intelligence artificielle dans son utilisation, mais aussi dans la façon dont elle a été conçue. Et c'est Isabelle Collet qui est informaticienne et enseignante à l'Université de Genève. Une façon très simple de se rendre compte de comment l'IA utilise des données qui sont biaisées, c'est d'aller sur Google et de commencer à taper « les femmes sont » ou « les hommes sont » ou simplement de demander des images d'hommes, de femmes, hommes au travail, femmes au travail. On voit très très bien que dans les réponses fournies par Google, hommes et femmes ne sont pas mis sur un pied d'égalité. En toute logique, quand ensuite on va utiliser ces données pour faire des traitements de l'information, on va produire des résultats où les hommes et les femmes ne seront pas sur un pied d'égalité. Actuellement, le monde de l'informatique est paramétré, codé par une population très homogène, essentiellement des hommes blancs de milieux favorisés. La conséquence, c'est que ce que produit l'informatique, en particulier l'intelligence artificielle, est plutôt aligné sur leur centre d'intérêt, leurs préférences, leurs goûts, etc. Comme par ailleurs, le monde lui-même est rempli de biais sexistes, quand l'IA travaille à partir des données existantes, c'est-à-dire des données du passé, les données du futur qu'elle produit sont également biaisées. Ce que cela va produire, c'est que ça risque d'invisibiliser les intérêts, les valeurs, l'existence même, les carrières, etc., des personnes qui ne sont pas représentées par cette population, par exemple des femmes, par exemple les personnes des minorités ethniques. Amazon récemment avait demandé à un logiciel d'intelligence artificielle pour trier automatiquement les multitudes de CV qu'ils reçoivent, et ils se sont rendus compte assez rapidement que le logiciel ne retenait que des profils d'hommes, alors qu'évidemment c'est ce qu'ils n'avaient jamais demandé. Donc ils ont arrêté l'expérience et en fait ça n'a rien de surprenant parce qu'un CV d'homme et un CV de femme ne se ressemblent pas. Les femmes ont par exemple des interruptions de carrière dues aux enfants, n'ont en général pas les mêmes activités extra-professionnelles, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes parcours scolaires. Donc quand bien même on n'aurait pas stipulé le sexe à l'IA au moment où elle sélectionne les CV, elle compare les CV qu'elle reçoit avec les CV des gens qui sont engagés déjà et en particulier au poste à responsabilité, et ça l'amène à écarter les CV qu'elle juge invalides, qui sont majoritairement des CV de femmes. À présent, on va parler de l'explication des comportements sociaux par la nature. Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about. You are inclined to make me rise an hour early, just like daylight savings time. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby. Toi et moi, bébé, on n'est rien d'autre que des mammifères. Alors faisons la chose comme sur la chaîne Découverte. Mais est-ce que vraiment on est comme des animaux? Ça peut être assez gênant quand on se met à expliquer les différences, en particulier les différentes sources d'inégalités par « c'est la nature ». Vous avez sûrement déjà entendu des discours sur le comportement sexuel qui ressemblent à ça, alors attention, ça va piquer un peu. Stratégie de reproduction, qu'est-ce que c'est ? Stratégie de reproduction, c'est encore quelque chose qui va être différent. Un homme, il peut éjaculer, je sais pas, mettons, pour les plus chauds d'entre vous, toutes les 10 minutes, vous pouvez éjaculer dans une meuf. Donc vous pouvez, je sais pas, en 30 jours, féconder 30 meufs ou plus. Une femme, elle, si elle est fécondée, elle en prend pour 9 mois. D'où l'intérêt pour une femme de bien choisir un bon amant ou un homme intéressant, alpha, et pour un homme de pouvoir tirer des meufs entre 6 et 10 sur 10, tu vois. Il s'en fout, en fait, puisqu'il peut en faire plein. Voilà, notre programmation génétique fait que pourquoi c'est souvent la femme qui va mettre un frein à la séduction, c'est pour cette raison. Voilà, voilà. Alors, je sais pas vous, moi j'ai un petit peu vomi dans ma bouche, hein, mais c'est un discours qui est vraiment très commun, très typique. Et bah, en plus d'être une interprétation plutôt grossière et inexacte, ça alimente cette idée de complémentarité des sexes. Oui, en fait, il n'y a pas d'inégalité, hein, voilà, tout va bien, on serait juste différents, différentes et complémentaires. Entre femmes et hommes cisgenres, bien sûr, et uniquement dans le cadre du couple hétérosexuel. Donc l'hétérosexualité, c'est naturel, bla bla bla. Bon, tout ce truc, c'est le gros trip d'une branche de la recherche appelée la sociobiologie. Les sociobiologistes y considèrent que les comportements aussi bien des animaux que des humains, ils peuvent être expliqués en partie par la sélection naturelle. Au moins en partie, et parfois, ça dépend des chercheurs-chercheuses, en très grande partie. Et donc, pour comprendre les comportements, on doit les analyser par le biais de l'évolution. Donc les deux principes fondamentaux de la sociobiologie, c'est d'abord, certains comportements sont héréditaires et inscrits dans les gènes, et ensuite, ces comportements s'expliquent par la sélection naturelle et sont donc le résultat de l'adaptation à l'environnement. Alors, c'est pas un problème en soi d'étudier le monde depuis ce point de vue, mais cette branche de la science, vulgarisée à l'extrême, elle est très utilisée aujourd'hui pour justifier tout un tas de merdes oppressives, ou de merdes pas spécialement oppressives d'ailleurs. Donc, dans ses versions les plus caricaturales, ça nous donne des ouvrages de grande qualité, tels que Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, pour le plus connu. Avec les hommes qui sont des chasseurs, les femmes passives, bla bla bla. Et ça peut être séduisant, parce que si on reste dans un constat de comment ça se passe dans la vie et de comment se comportent les humains, eh ben, y a une certaine correspondance. Les comportements décrits, ils existent, et ils représentent même la norme pour beaucoup. Mais c'est pas pour autant que ces comportements sont induits par une obligation biologique quelconque, plutôt que par des normes culturelles. On va prendre l'exemple des études sur les singes qui sont sorties depuis une dizaine d'années, je crois, et des interprétations de ces études. Donc, il y a plusieurs études sur le comportement des singes, des jeunes singes, qui sont sorties et qui ont été reprises avec une joie non dissimulée par plein de médias et de personnes, parce que ces études, elles montraient une répartition genrée des jeux et des rôles chez les petits singes. Donc, il y a un gars qui a sorti un bouquin intitulé « Le camion et la poupée », entre autres, qui interprète cette étude. Et il l'interprète en gros comme une preuve que les singes femelles ont un intérêt inné pour les jeux en rapport avec la maternité et que les singes mâles ont un intérêt inné pour les jouets dits masculins. Genre, ils préfèrent les trucs qui roulent. Enfin, bref, cette interprétation est ridicule. Surtout, la déduction du gars, c'est que la répartition sexuée des tâches chez les humains fonctionne de la même façon. Et c'est un petit peu un raccourci de dire que si les singes font ça, donc les humains font exactement la même chose. Il y a eu beaucoup de réactions similaires face à ces études sur les singes. Et les propos ont été repris sur un mode encore plus vulgarisé dans des magazines comme par exemple Le Point et aussi Sciences Humaines. Donc les points, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais les petits singes étaient mis au contact de jouets humains, typiquement masculins ou typiquement féminins ou neutres. Et il y a eu des déductions faites là-dessus, mais enfin voilà, c'était juste pour préciser. Donc, les points d'aveuglement qu'il y a dans les analyses de ces études, souvent c'est une surévaluation des éléments qui vont dans le sens des personnes qui veulent voir de la différence sexuelle et qui font donc des approximations pour surévaluer. Ensuite, les personnes qui font ces analyses ne voient pas l'impact de leur propre point de vue parce que ça va juste dans le sens de la norme. Ensuite, ils partent du principe que les bébés singes attribuent les mêmes valeurs aux jouets que les humains. Donc il y a beaucoup d'anthropomorphisme en fait dans ces analyses. Il n'y a pas de prise en compte que les animaux aussi, ils ont une culture en fait, et que leur comportement, il résulte de l'observation et de l'apprentissage auprès des autres singes de leur groupe. il n'y a pas que de l'inné chez eux, parce que même si ce sont des animaux. Et pour plus se renseigner là-dessus, on peut lire sur le blog Allodoxia, Observatoire critique de la vulgarisation, des articles d'Odile Fillot. Odile Fillot, c'est une chercheuse et c'est la meuf qui a fait la première image 3D du clitoris récemment aussi. Voilà. À présent, pour introduire le sujet suivant, on va écouter la chanson Testostérone de Circé des Landes. Et on va donc parler des hormones. Alors, on ne va pas résumer parfaitement le fonctionnement des hormones ici, hein, parce que déjà, c'est assez compliqué, cette affaire. En plus, ça serait super long. Mais ce qu'on peut faire, c'est avoir quelques infos, quelques pistes de réflexion sur le traitement des hormones dans la biologie et la recherche. Donc, les hormones sont dites masculines et féminines. Mais en réalité, les corps assignés féminins produisent des hormones dites masculines et vice-versa. Les études, elles montrent aussi que les personnes assignées femmes qui ont des taux les plus hauts de testostérone, elles en ont autant que les hommes qui ont le moins. Il y a un endroit où ça se chevauche, en fait. Donc, certaines femmes, elles ont autant ou plus de testostérone que certains hommes, même si, en moyenne, elles en produisent moins. Donc c'est pas si net, tranché, binaire, tout ça. Et les hormones, elles développent l'appareil génital, elles développent les caractères sexuels secondaires et elles ont un impact sur la production des muscles, sur la libido, sur la souplesse, sur la fertilité, enfin sur vraiment beaucoup d'aspects physiologiques du corps. Elles sont produites au niveau des organes génitaux, donc des testicules et des ovaires, mais aussi dans d'autres zones du corps, comme par exemple dans les glandes surrénales. Il n'y a pas très longtemps, c'était cette année, Caster Semenya, qui est une athlète qui est triple championne du monde de 800 mètres, elle a été estimée hyperandrogène, c'est-à-dire qu'elle produit naturellement beaucoup de testostérone. Apparemment, elle en produit trop, aux yeux de la Fédération internationale d'athlétisme, qui a voulu lui imposer un traitement médical pour abaisser son taux d'hormones masculines. Donc la championne sud-africaine, elle a demandé au tribunal arbitral du sport de Lausanne de statuer et sa requête elle a été rejetée parce que le fait qu'elle prenne des cachetons pour faire baisser son taux de testostérone, ce serait une discrimination nécessaire. Alors la nécessité là-dedans, c'est de se montrer juste envers les autres athlètes. Mais son corps produit naturellement beaucoup de testostérone. Et oui, ça lui donne un avantage en compétition. Mais on peut écouter par exemple l'historienne du sport Anaïs Bohuon qui dit dans un article que bon, si on se met à faire ça, à vouloir une espèce d'équité, on doit aussi limiter les autres avantages physiques chez d'autres athlètes. Alors pourquoi disqualifier une personne qui a un haut taux de testostérone ? D'ailleurs, c'est même pas prouvé que ça soit systématiquement avantageux pour elle. Donc pourquoi la discriminer plus qu'un basketteur qui serait super grand en fait ? Parce que lui aussi, il a un avantage physique. Et c'est injuste par rapport aux autres basketteurs et basketteuses. Voilà. Mais dans le cas de Caster Semenya, en fait, ça touche à la féminité, la masculinité. Ça vient ébranler ce qu'on pense savoir de la différence sexuelle et faire bouger des limites qu'on lui a assignées arbitrairement. À propos d'hormones, et surtout de testostérone, je vais lire un extrait de Testo Junkie de Paul Preciado. Ce bouquin, c'est une sorte de voyage entre histoire de la médecine, expérimentation de la testostérone sur lui-même, et c'est aussi un peu un roman autobiographique. Nous devons savoir, si nous voulons changer le monde pour en faire l'expérience avec le même système sensoriel que celui que nous possédons déjà, ou si nous voulons modifier le corps, ce filtre de la perception par lequel passe le monde. Qu'est-ce qui est préférable ? Changer de personnalité et conserver mon corps ? Ou changer de corps et conserver ma manière actuelle d'éprouver la réalité ? Faux dilemme. Ma personnalité surgit de ce déphasage entre corps et réalité. Pouvoir, fille, orgasme, adrénaline, luxe, reconnaissance sociale, succès, glucose, acceptation familiale, inclusion, puissance, tension, camaraderie, ascension économique. Voilà en l'espace de 6 mois la plus-value politique procurée à une biofemme par l'ingestion de testostérone. La testostérone est gratification immédiate, plateforme abstraite de production du pouvoir. Mais sans la descente abrupte de la coke, sans le trou dans l'estomac qui suit la dissipation des effets du cristal, sans l'autocomplaisance grotesque que déclenche le Prozac. Il n'existe qu'une seule drogue comme la testostérone, l'héroïne. Les deux sont politiquement onéreuses, exclusion, marginalisation, désocialisation. Et dans le cas de la testostérone, cancer, comme pour quasi toutes les substances industrielles, et calvitie, a un moindre mal qu'on peut compenser avec une prothèse. Je pense à m'appliquer une nouvelle dose, la dernière, encore une fois la dernière. Est-ce que je vais devenir testomane ? Partant de ma propre expérience, de mon propre exercice d'intoxication hormonale volontaire, je développe une théorie complètement absurde de l'attirance hétérosexuelle. La chose me paraît inexplicable depuis l'enfance. Comprendre l'hétérosexualité comme technique de supplémentation hormonale, car telle est la théorie vers laquelle mes essais me portent, ne m'enchante guère. Cette hypothèse saugrenue met en évidence une vérité qui m'inquiète. Et si les biofemmes dites hétérosexuelles cherchaient à se frotter aux hommes pour se procurer leur dose de testostérone dans la sueur de leur partenaire ? Aussi simple que ça. Les meufs couchent avec les mecs pour obtenir leur dose de T par friction contre leur peau. ce qui expliquerait aussi la masculinisation progressive des travailleuses sexuelles qui développent plus de duvet facial que les biofemmes salariées, par exemple, comme caissière à Monoprix. À force de contacts répétés avec la sueur testostéronée des clients, leur taux de testostérone dans le sang finirait par augmenter. C'est peut-être un délire, l'effet sur mon cerveau d'un excès de lecture endocrinologique, ou c'est peut-être une explication fiable du fonctionnement d'un des circuits hormonaux de notre tissu politique. Et voilà, c'était donc une lecture d'un extrait de Testo Junkie de Paul Preciado. Ce que j'ai retenu dans ce bouquin, c'est qu'il met en avant des différences de considération entre les hormones dites masculines et féminines. La testostérone, elle n'est pas accessible sans pathologie, sans ordonnance. Et d'autant moins aux meufs et personnes assignées meufs. Ce qui m'avait pas mal parlé aussi, c'est que l'industrie pharmaceutique et les institutions distribuent par contre sans aucune restriction les hormones féminines par le biais de la pilule et puis des autres moyens de contraception hormonale. Et ça, en fait, ça surféminise les femmes en leur donnant une dose d'hormones qui va inhiber leur production de testostérone. Ça va stabiliser et aplanir leurs cycles hormonaux. Et les effets courants de cette absorption pas du tout naturelle d'hormones, c'est d'avoir moins de poils, moins de facilité à se muscler, des plus gros seins, moins de libido, que des trucs qui font rentrer dans le moule d'une féminité hyper normée. Et on a donc une forme de féminité amplifiée biologiquement. Madame de Fontenay, quand vous recrutez, quand vous sélectionnez vos jeunes candidates en vue d'être une Miss France éventuelle, qu'est-ce que vous leur demandez d'abord ? D'être belle ou d'être intelligente ? Oui, on me l'a dit, on me l'a dit. J'ose pas prétendre que c'est vrai, mais vraiment, on me l'a dit souvent, oui. C'est même d'ailleurs assez embêtant. Quand les femmes me disent que je suis intelligente, je suis contente, mais quand les hommes me disent que je suis intelligente, ça m'inquiète beaucoup. Qu'on me le dise... Je sais pas, j'ai envie d'être, mais être intelligente, surtout pour une femme, je trouve... quand on dit à une femme, c'est une femme intelligente, ça a l'air de dire, pour une femme, je trouve que vous êtes intelligente. Et ça, j'aime pas. À présent, on va parler un petit peu du cerveau. Et d'abord, du principe de plasticité cérébrale. Alors la plasticité cérébrale, c'est un phénomène à propos duquel il y a eu un ouvrage fondateur qui est sorti en 81, et c'est quelque chose de beaucoup plus facilement observable depuis que l'imagerie médicale, elle permet d'observer des cerveaux de personnes vivantes. En gros, le cerveau, il est forgé par nos activités. Et on va écouter à ce propos un extrait d'une interview de Catherine Vidal, qui est neurobiologiste. Et on utilise le terme de plasticité cérébrale pour décrire cette capacité du cerveau, finalement, à se façonner en fonction de l'expérience vécue. Autre exemple de plasticité cérébrale à l'âge adulte. On prend des jeunes étudiants d'une vingtaine d'années et on leur demande d'apprendre à jongler avec 3 balles. Et en seulement 3 mois, on retrouve ce phénomène d'épaississement du cortex dans les régions qui contrôlent la coordination motrice et la vision. Donc, ce qui est intéressant en plus dans cette expérience, c'est que si les étudiants cessent de s'entraîner à jongler, finalement, les régions qui étaient épaissies auparavant vont rétrécir. Et alors, encore plus fort, on a fait cette expérience chez des personnes un peu plus âgées, d'une 60aine d'années, et on retrouve le même phénomène d'épaississement que chez les jeunes. Même lorsque des différences moyennes dans certaines zones du cerveau sont observées, entre hommes et femmes, leur cause n'est pas vraiment biologique, mais elle provient plutôt d'une différence dans le vécu et dans l'apprentissage. Si les femmes, elles ont en moyenne une moins bonne capacité à se repérer dans l'espace, selon certaines études que vous trouverez facilement, c'est d'une part parce qu'elles ont moins l'occasion d'apprendre à se repérer dans l'espace dès l'enfance. Et ça entraîne un développement inégal de certaines zones de leur cerveau et une stimulation de zones différentes pour effectuer une même tâche. Et c'est aussi parce que les personnes qui conçoivent les études, elles le font depuis un point de vue bien souvent masculin, et que ça se base donc sur des critères de recherche qui leur parlent à eux et pas forcément aux personnes étudiées si elles sont féminines ou font partie de groupes opprimés. Je vous laisse écouter un autre extrait d'une conférence de Catherine Vidal sur la différence du cerveau entre femmes et hommes. Encore une autre idée reçue, les différences d'aptitude mentale entre les sexes auraient une origine biologique. Il existe en effet un certain nombre de tests où les femmes sont réputées meilleures. Il s'agit par exemple de tests de perception visuelle des détails, où là, dans ce test, il faut reconnaître deux maisons identiques. Et les femmes sont également meilleures dans des tests de fluence verbale, où il faut énoncer un maximum de mots commençant par une même lettre. Tout ça, c'est quand même pas très compliqué. Bref, quant aux hommes, ils sont meilleurs, ou réputés meilleurs en tout cas, dans des tests de rotation mentale d'un objet dans les trois dimensions de l'espace. Ils sont également meilleurs pour viser une cible. Donc, réfléchissons à la signification de ces différences de performance. On peut se poser la question, sont-elles innées ou sont-elles acquises ? En fait, on notera que les différences en question ne sont détectables qu'à partir de l'adolescence et que de plus, elles disparaissent avec l'apprentissage. Donc, on peut supposer que l'éducation et la culture jouent un rôle important dans l'émergence de ces différences. Il existe aussi un facteur important qui est celui du contexte dans lequel s'effectuent les fameux tests. On va reprendre ce fameux test-là, donc de rotation mentale en trois dimensions, où il faut dire si les objets présentés sont les mêmes ou bien s'ils sont différents. Si on fait passer le test dans une classe et que le professeur annonce qu'il s'agit d'un test de géométrie, à ce moment-là, les garçons seront un peu meilleurs que les filles. Mais si, au préalable, le professeur annonce qu'il s'agit d'un test de dessin, à ce moment-là, garçons et filles auront les mêmes scores. Voilà, et ben c'est vraiment super ce qu'elle dit. Et maintenant, on va changer de sujet. Copulation. Voilà comment se passe la copulation. La maturité sexuelle, copulation, femelle. Dilatée, l'orifice vaginal, clitoris érectile, éjaculer. Copulation. Le mâle, recueillir le sperme. Calicère, pédipalpe, spermatèque, calicère, pédipalpe, spermatèque. Les pédipalpes sont des pompes à sperme. Et tout en bas, il y a les mâles. On a vu les zèbres en train de s'accoupler. Ça nous a beaucoup plu. C'était comme les chevaux, les rayures en plus. Un truc dont la biologie évolutionniste, qui est la superpote de la sociobiologie dont on a parlé tout à l'heure. Donc un truc dont elle nous rebat les oreilles, c'est bien la reproduction et comment nos corps, nos comportements soi-disant innés, sont façonnés par la reproduction. Alors qu'au contraire, ben c'est notre culture sexuelle qui est centrée sur la reproduction et qui valorise au maximum la pratique reproductive par excellence, donc pénis dans vagin avec éjaculation finale, tada. Mais il y a aussi une partie de la recherche qui adopte un autre point de vue là-dessus et qui se demande si, en fait, c'est pas le plaisir qui est une bien plus grande motivation que la propagation de l'espèce. Je vais lire un extrait. Ah, d'abord, on va écouter un extrait de Priscille Touraille qui va nous parler de procréation. La plupart des gens pensent que le genre, donc la différenciation homme-femme et mâle-femelle se justifie par le fait que les mâles sont naturellement attirés par les femelles et vice-versa, en vue de la procréation. On vous dit, les animaux copulent pour procréer, comme s'ils avaient cette idée qu'ils savaient très bien, que... c'était quand ils copulaient, ils allaient avoir un petit. Moi, ce qui m'intéresse actuellement, c'est tout le corpus qui existe dans les sciences de la vie et qui remet sur le devant de la scène la question du plaisir comme fonction première, disons, de la sexualité. Et maintenant, je vais vous lire un extrait d'un article de cette même personne, de Priscille Touraille. L'article est intitulé « Du désir de procréer ». Des cultures plus naturalistes que la nature ? La sexualité est décrite dans la Vulgate scientifique comme l'ensemble des mécanismes et des comportements qui permettent l'échange d'une partie de son patrimoine génétique, autrement dit la rencontre de gamètes d'individus différents. C'est une définition restreinte, dite hyper-sélectionniste, selon laquelle seuls les gènes impliqués dans les comportements hétérosexuels se diffuseraient. En conséquence, tous les comportements n'entraînant pas la rencontre des gamètes, donc les comportements masturbatoires, homosexuels, de sexualité interspécifique, hétérosexuels non coïto ou survenant hors des périodes de fécondité, ces comportements ne pourraient pas avoir été sélectionnés. Dans cette hypothèse, les biologistes consacrent scientifiquement l'idée commune qui qualifie ces comportements de contre-nature, niant donc qu'ils puissent exister ailleurs que dans l'espèce humaine. Ce paradigme a pendant longtemps conditionné l'observation des éthologues. Soit ils ne mentionnaient pas les comportements sexuels non reproductifs, soit ils les interprétaient comme des comportements pas vraiment sexuels. Or, un corpus croissant d'observations éthologiques révèle aujourd'hui que le phénomène des comportements sexuels non reproductifs est répandu dans un grand nombre d'ordres et d'espèces. Les individus de certaines de ces espèces particulièrement bien étudiées, comme les chimpanzés et les macaques, sont maintenant considérés comme ayant des comportements simplement sexuels, puisqu'il a été observé qu'une majorité fait preuve d'activités tant hétérosexuelles qu'homosexuelles ou masturbatoires. L'intérêt de ce corpus consiste bien sûr à montrer que les pratiques sexuelles homosexuelles sont naturelles, mais il réside surtout du point de vue théorique dans la redéfinition de la sexualité, selon un paradigme moins sélectionniste. Les gènes ne contrôlent pas directement la rencontre des gamètes, mais ils sont impliqués dans une multitude de mécanismes physiologiques qui auront pour conséquence éventuelle cette rencontre. Un nouveau paradigme scientifique est en train d'émerger. La fonction première de la sexualité n'est pas la rencontre des gamètes et la procréation, mais le plaisir. C'est le plaisir, ou du moins la relaxation de l'excitation sexuelle, que recherchent les individus. Autant il est possible d'affirmer que le plaisir sexuel est naturel, puisqu'on a la preuve que les individus de beaucoup d'espèces le recherchent, autant le désir de procréer ne peut être qualifié de naturel, dans le sens suivant. Nul n'est en mesure d'administrer la preuve que les animaux désirent procréer et que ce désir existe donc dans la nature. Si nous affirmons que les animaux s'accouplent pour procréer, nous prêtons en fait aux animaux, par un mécanisme d'anthropomorphisme somme toute banal, la façon dont nous avons, par notre conscience, conceptualisé le lien entre sexualité et production de petits. La pensée scientifique actuelle a beaucoup de mal à échapper à ce finalisme, même chez ceux qui ont passé leur vie à le combattre. Dawkins le premier, citation, « Les espèces auxquelles nous sommes les plus habitués, mammifères et oiseaux, ont tendance à élever beaucoup de petits. La décision de faire un petit est habituellement suivie par celle de l'élever. » Donc l'attribution aux animaux d'une volonté de se reproduire est exprimée de diverses manières. Il suffit d'aller faire un tour sur le web pour s'en rendre compte. Pour Charles Darwin, la sélection naturelle se joue au niveau de l'individu qui cherche à se reproduire et à se multiplier. Ou bien, les espèces vivantes n'ont qu'une obsession, se reproduire. Sans le dire, ces formulations créditent les animaux de la conscience du lien entre sexualité et reproduction. Conscience dont n'étaient pas même crédités tous les humains jusqu'à il y a peu. L'ethnologue Malinowski est célèbre pour avoir soutenu que les Trobriandais ignoraient le rôle du coït dans la conception. Simone de Beauvoir elle-même aurait ajouté foi de manière acritique à cette interprétation, que des ethnologues moins naïfs ou plus rodés à la perversité idéale ont par la suite remise en cause. En effet, la compréhension du lien entre sexualité et reproduction peut très bien avoir été obscurcie dans le but de forcer la procréation. Et il faut évidemment se méfier de prendre l'ignorance des gens en un point de leur histoire culturelle pour une ignorance originaire. Voilà, fin de la citation de l'article. Donc, on voit là encore que la fixation sur la reproduction est toute culturelle. Elle est utilisée pour opprimer les sexualités des détenteurs détentrices de vulve, vagin, clito, parce que les pratiques qui leur procurent le plus facilement du plaisir ne sont pas celles qui amènent à procréer. Cette conception opprime également les lesbiennes, les gays, ben là encore, leur but n'est pas la reproduction. La logique qui est sous-tendue, c'est une sorte d'utilitarisme reproductiviste et moral. Du coup, c'est ok pour les galipettes, hein, mais il faut niquer utile. prêter une intention, un but à la nature, c'est un petit peu un truc de religion, en fait, et c'est une inexactitude d'en appeler toujours au désir de se reproduire, alors qu'a priori, c'est le plaisir qui est plutôt recherché pour lui-même et comme but. Il n'est pas forcément un moyen de pousser à la reproduction, mais il existe pour lui-même. Alors j'ai un petit peu de temps, donc on va faire une petite étude de cas. On va encore parler de Priscille Touraille, décidément. Alors c'est en écho avec la thèse sur la différence de taille entre femmes et hommes dont j'ai parlé dans l'émission d'avant. Je vais vous faire une lecture commentée d'un super article du magazine Marie-Claire qui est sorti en 2015, l'article. Donc en cherchant à retrouver cet article, voilà, petite parenthèse, je suis tombée sur des titres tels que, je cite, « Les hommes de petite taille sont plus méchants, c'est prouvé ». Ou bien, quelle est la taille idéale du pénis ? Et beaucoup, beaucoup d'articles sur la taille du pénis, ce qui illustre bien l'omniprésence des explications biologisantes sur les traits de caractère, pour les petits hommes méchants, là, et qui montre aussi, au cas où on aurait un doute, que le monde est obnubilé par la taille des bites. Voilà, donc, je vais commencer la lecture commentée de ce super article de Marie-Claire sur la différence de taille. Et c'est un bon exemple de comment on manipule des études scientifiques hasardeuses et comment, même si les données étaient exactes, leur interprétation serait foireuse. Oubliez l'amour au premier regard. Selon la science, la clé pour une relation de couple heureuse, c'est la différence de taille. En Corée du Sud, des chercheurs de l'université Kangkuk à Séoul ont analysé les données de 7850 femmes et auraient constaté qu'avoir un mari plus grand les rendrait plus heureuses. Alors déjà, j'aimerais bien avoir les questions qu'ils ont posées pour mesurer le bonheur féminin. Du côté des hommes, on ne sait pas ce que cela leur procure, mais du côté des femmes, elles sont unanimes. Plus leur mari est grand, plus il leur plaît. Le chercheur, Kita Eson, aurait néanmoins déclaré « Bien qu'il soit connu que les femmes préfèrent les hommes grands, aucune étude n'a cherché à savoir si un mari plus grand que sa femme rendait sa femme plus heureuse en tant que telle. En revanche, une grande différence de hauteur dans le couple serait positivement liée au bonheur de la femme. Car la femme aime les hommes grands sans savoir réellement pourquoi. » Oh, cette petite coquine. Alors de quoi déjà ? J'ai retrouvé la citation du gars dans un autre article. En fait, il dit que les femmes sont attirées par les hommes plus grands parce que c'est dans la logique de la théorie de l'évolution. Donc c'est inconscient, mais c'est une espèce de programmation biologique. Alors déjà, bon, prétendre que c'est pas un automatisme social de créer des couples dans lesquels l'homme est plus grand, c'est un petit peu osé. Parce que, ben, entre autres, tous les visuels qu'on a sous les yeux qui montrent des couples hétéros, tous, eh ben, l'homme est plus grand dans toutes les affiches de films, la pub, partout, tout le temps. Je reprends la lecture. Le succès des hommes grands réside dans ce fantasme qu'un homme grand est toujours plus fort et protecteur. Et naturellement, la femme se sent plus heureuse avec un homme plus grand, car elle a réalisé son fantasme. Eh ben, je sais pas, mais moi, ça me questionne un petit peu de... C'est pas forcément rassurant, en fait, de se mettre tout le temps avec des gens qui sont vachement plus forts que toi, et plus grands, et plus vénères, enfin bref. Pas d'inquiétude. Si vous mesurez la même taille que votre moitié, l'effet de grandeur s'atténue avec le temps. Étrangement, au bout de 18 ans, les couples ayant une grande différence de taille se retrouvent au niveau de bonheur des couples aux tailles presque équivalentes. D'accord. Mais bien sûr, au final, on est toujours heureux avec la personne qu'on aime. Grande ou petite, c'est l'essentiel. Mais oui, et tout le monde sait, mais on subit pas de pression sociale qui formate nos relations, c'est merveilleux. À propos de cet article, on peut dire que les paires dans lesquelles l'homme est plus petit, on dirait que ça existe pas, en fait, dans cet article. Mais bon, de fait, c'est rare, mais quand même. Et du coup, est-ce que c'est un signe que la femme va être malheureuse ? Certainement. Je pense que vraiment, c'est un signe que la femme va être malheureuse, parce que ne pas respecter les normes en matière de couple hétérosexuel, forcément, ça rend malheureuse. Je veux dire, c'est obligé. En tout cas, c'est mon hypothèse. Et je me dis que, bon, l'article, il dit que les femmes, elles sont plus heureuses quand leur partenaire est grand, et d'autant plus quand la différence de taille est importante. Ok, bon, voilà. Mais ce bonheur, peut-être qu'il est simplement lié à la tranquillité et à la satisfaction que procure une conformité aux normes sociales. Alors, bon, là, on tape sur un article dans Marie-Claire, hein, et d'ailleurs, je me fais la réflexion que bah, cibler la presse féminine, c'est peut-être un peu trop un réflexe que je peux avoir de taper sur des trucs de meufs. Mais bon, en fait, si c'est fait un peu plus finement que dans cet article, on risque d'y croire, et surtout de croire que c'est juste logique et naturel, et que c'est scientifique surtout. Et même si on n'y croit pas consciemment, il y a ce truc qui va traîner dans un coin de nos têtes sans être démenti. Et bon, peut-être que ça, y être exposé au quotidien depuis notre naissance, hein, ça impacte notre vision du monde. Parce que, comme je disais, si vous regardez n'importe quelle image publicitaire, n'importe quelle affiche de film mettant en scène un couple, l'homme, il est plus grand et plus massif que la meuf. Pour contrebalancer, je vais vous lire un extrait d'un article qui critique tout ça à propos de l'impuissance féminine comme idéal de beauté. C'est sur un blog qui s'appelle antisexisme.net, c'est le blog de Noémie Renard, qui est vraiment super. Donc je lis l'extrait. On peut aussi rapidement évoquer le fait que chez les hétérosexuels, il y a clairement une recherche d'un dimorphisme au niveau de la taille. Les hommes recherchent des partenaires plus petites qu'eux, et les femmes des conjoints plus grands qu'elles. Les femmes qui recherchent les hommes les plus grands et les hommes qui recherchent les femmes les plus petites sont en moyenne plus attachés au rôle traditionnel masculin. Notons que les personnes de grande taille, hommes comme femmes, sont perçues comme plus intelligentes, plus dominantes, plus affirmées, plus influentes et plus ambitieuses que les personnes de petite taille. Cela suggère que ce dimorphisme de taille qui est recherché correspond, au moins en partie, à un différentiel de pouvoir. Voilà, pour avoir les références de cet extrait, je vous invite à aller donc sur le blog que j'ai cité tout à l'heure, le blog qui s'appelle Antisexisme. Et alors, bon ben, c'est fini. J'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur la question. Je voulais faire une émission un petit peu plus légère que la dernière fois. Je crois que je me suis un petit peu loupée. En tout cas, merci d'avoir écouté. Et pour faire un petit résumé de tout ça, on peut dire que les sciences, elles sont pas neutres. Le regard des chercheurs et chercheuses est orienté par la société dans laquelle ils et elles vivent, et également par la place qu'elles y occupent. Et d'autre part, les normes sociales, elles ont un impact sur le corps lui-même, sur sa physiologie, son anatomie. Avant de se quitter, quelques petites références. Sur l'anatomie, clito, vagin, tout ça, on peut aller regarder un article du numéro 10 de la revue Z qui parle de gynécologie, d'anatomie féminine. Je recite donc le site d'Odile Fillot qui s'appelle Allodoxia, qui est un observatoire critique de la vulgarisation scientifique. Un article aussi qui est assez court qui s'appelle « Quand les chimpanzés jouent à la poupée, de Michel Pracontal, et c'est sur un blog Mediapart. Vous avez entendu des extraits de vidéos de la chaîne YouTube Castor Mother. En radio, vous pouvez aller écouter le numéro d'un podcast à soi qui s'appelle « L'horloge biologique, on t'a pas sonné ». Et on se quitte avec une autre super chanson de Circé des Landes, « Œstrogène ». Je voudrais avoir un dos d'œstrogène qui gonfleraient dans la nuit mes tout petits seins. En deux montgolfières, si fières et si orgueilleuses, qu'elles s'envoleraient plus haut que le soleil, qu'elles caresseraient au passage, avant d'atteindre le point de non-retour où l'on voit de toute sa grandeur le monde comme un jeu dérisoire de polypocket. Je serai alors la mère de tout l'univers qui, suspendu à mes mamelles insolentes et souveraines, s'enivrerait de leur nectar sirupeux avant de grimper sur mon corps céleste pour s'y assoupir, la fleur baveuse au coin des lèvres ourlées par l'extase. Là, je ferai lentement tournoyer mes deux planètes en orbite. Je bercerai tous les êtres vivants de la galaxie qui s'éveilleraient le matin en gazouille étrange, la chair encore enduite de la pulpe des rêves que je nettoierai dans mes nuages de lait, où barboterai joyeusement des poissons volants et des oiseaux nageurs. Le ciel et qui donnerait des fruits aux étoiles, et que les étoiles dévoreraient, excepté leurs semences qu'elles recracheraient sur mon sol, d'où naîtraient d'autres baobabs. C'est ainsi qu'aurait lieu la grande diaspora mammaire à travers tous les continents de mon corps en expansion, sans cesse les cloisons de l'espace pour accueillir sur moi, contre moi, dedans moi, tous ces nouveaux habitants.